Vous êtes sur la radio Arc-en-Ciel 96.2. Il est près de 14h. Nous sommes le jeudi 18 décembre et vous écoutez Didi & Co. Didi & Co, c'est le rendez-vous qui ouvre les portes de tous les univers. Chaque jeudi, de 14 à 16h, on décortique les sujets les plus variés avec nos invités en studio ou au bout du fil. Didi & Co, c'est de l'insolite au fondamental, un voyage de débats passionnés, de découvertes surprenantes. Didi & Co, c'est l'émission où la seule limite est la curiosité. Retrouvez-moi en compagnie d'invités pour 2 heures d'échange, de musique, de témoignages et de surprises. Bienvenue dans Didi & Co, le talk show qui ne s'interdit aucun sujet. Art, science, société, sport, musique, loisirs. L'essentiel est ici, avec ceux et celles qui font l'actualité. On commence dans un instant avec nos invités du jour, mais en attendant, l'aventure de l'écriture commence maintenant. Aujourd'hui, on lève le voile sur les secrets de fabrication d'un livre. Préparez-vous à rencontrer et écouter ceux qui façonnent les histoires et publient les idées. Nos invités, de la plume au micro, les passeurs de mots sont avec nous. Bonjour à vous et bienvenue dans Didi & Co, web radio, Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 MHz. Avant d'ouvrir le micro à nos invités, en avant la musique avec Kate Bush. Oh, bien, ça y est, nous y sommes. Bonjour les invités, je vois que tout le monde est présent. On va se présenter juste après, donc bienvenue dans Didier & Co pour la quatrième et pourquoi pas pour une première avec quatre invités. La parité est là, deux hommes, deux femmes, deux hommes. En plus, ils se sont bien répartis dans la salle. Tout devrait aller bien. Eh bien, on va commencer par Claire, qui est sur ma gauche. Bonjour. Voilà, on va ouvrir les micros. C'est chose faite. Voilà, bonjour. Voilà, un peu plus fort, si tu peux. Alors, bonjour. C'est mieux ? Voilà, voilà, faut bien s'approcher. Tu orientes un petit peu le micro vers toi. C'est mieux, là ? Tu lèves. Voilà, ça passera mieux. Parfait. En face, sur sa gauche, donc, c'est monsieur... Christian Baudin. Tu es timide au micro ? Quand je te vois, mon cher Didier, je ne peux que rester flegmatique. Voilà. Nous avons donc à sa gauche Nabila. Bonjour. Bonjour. Voilà, Nabila Jaffar est notre invité principal. Enfin, la personne qui a fait principal, je veux dire, celui qui a fait la démarche de venir dans l'émission. Le tout premier, d'ailleurs, à m'avoir contacté dans Didier & Co pour trouver une émission, monsieur Éric Duval. Bonjour à tous. Voilà. Eh bien, on va te laisser le micro, Éric, pour te présenter, puis en même temps, présenter un petit peu ton livre, et puis on passera la sucette à ta collègue Nabila. Très bien, pas de souci. Pas de souci. Alors Éric Duval, voilà, on a le nom déjà. Alors je suis pas du tout dans le domaine de l'écriture pour mon métier parce que je suis cuisinier et j'ai tiens une petite entreprise de traiteur. Voilà, mais à côté de ça, j'ai toujours été un littéraire, on va dire, un petit peu fait tout seul. Grâce au jeu de rôle, quand j'étais jeune, j'ai raconté des histoires. Et puis après, il est arrivé qu'à force d'écrire, j'ai eu envie d'écrire autre chose. Et je me suis tourné vers la poésie d'abord. Et ensuite, quelques nouvelles. Et puis un roman a déboulé dans ma vie. Et voilà, j'ai réussi à écrire un polar qui est sorti fin novembre. 20 octobre, pardon. Et puis, voilà, c'est un polar qui se déroule dans la région, qui s'appelle Si même Orléans tombe, et qui est un polar un peu urbain, entre les deux, un peu partout dans la forêt d'Orléans. Et c'est une sombre histoire où un vieux policier se fait prendre dans une affaire politico-mafieuse, et où il y emmène quelques-uns de ses amis, et il va essayer de se dépatouiller de cette histoire. Voilà, en gros. D'accord. Puis j'ai vu que dernièrement, tu avais fait, peut-être pas la une, mais tu avais fait des éloges d'un journal quotidien. Il faut, les réseaux. Il faut essayer de bousculer un petit peu tout le monde pour se faire une petite place, parce que c'est très compliqué. On va en parler, je crois que l'émission elle va être basée sur ça aussi, sur l'écriture, mais aussi sur le côté... Donc, on m'a dit d'oser, donc j'ai osé, et puis voilà. Voilà, si José était là. parfait, pour cette petite présentation sommaire, on va mieux faire connaissance tout au long de ces deux heures. Alors, juste après, c'est Nabila. Rebonjour Nabila. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Nabila Jaffar Rigal. Je suis comme Eric, je ne suis pas du tout dans le monde littéraire parce que j'étais plutôt dans la promotion immobilière. Ça n'a rien à voir. Et en fait, pourquoi ce livre ? Parce qu'en fait, c'est vraiment le parcours d'une vie atypique, la mienne. Je suis d'origine libanaise, née au Sénégal de parents immigrés. Française, donc j'ai grandi avec trois cultures qui est pour moi une grande richesse. Je suis rentrée en France à l'âge de mes 38 ans, toujours dans l'immobilier, la promotion immobilière. Et en fait, le déclic pour écrire a été le fait que j'ai failli perdre la vue. D'accord. J'avais un gros problème de cornée, je n'avais plus de cornée. Donc le fait de me dire je vais être aveugle m'a ramené 40 ans en arrière à une promesse que j'ai faite à ma sœur aînée sur son lit de mort. Je lui avais juré qu'elle continuerait à voir le monde à travers mes yeux. D'où le titre de mon livre, Tu verras le monde à travers mes yeux. D'accord, oui, c'est bien ce que j'ai lu un petit peu dans la bio. J'ai survolé. Voilà, j'aime bien un petit peu me renseigner sur les différentes personnes que j'invite ici au micro de Didier & Co sur la radio Arc-en-Ciel à Orléans. Voilà, et puis une fois n'est pas coutume, je vais passer au-dessus de Christian, et je vais passer par politesse à la voix de Claire. Oui, donc rebonjour à tout le monde. Donc Claire Miller, autrice orléanaise, enfin olivetaine aujourd'hui depuis 20 ans. Mon parcours, c'est, à la base, j'étais vraiment très très littéraire, mais c'était pas des... comment on peut dire, des voies qui étaient très, qui offraient beaucoup de débouchés à la sortie des études. Donc, je me suis un peu orientée vers, au départ vers le tourisme, puis j'ai bifurqué doucement vers tout ce qui était achat, approvisionnement. Je travaillais dans la, tout ce qu'on appelle la supply chain, la chaîne logistique. Mais, à travailler avec des tableaux Excel H24, ça m'a vite, comment dirais-je? Pas vite, justement, mais au bout d'un moment, ça a fini par ne plus me convenir du tout. Et j'ai dit, il faut absolument que je revienne vers quelque chose qui me parle davantage. Bien sûr. D'ailleurs, le déclencheur, je pense que ça a quand même été, à la base, une réflexion qu'on m'a faite sur certains des mails que je faisais, qui me disaient, ils sont très bien écrits, vos mails. Ils sont magnifiques, vos mails. C'est déjà... Mais ils sont pas assez courts, vos mails. Et là, j'ai dit, non, il y a quelque chose à faire. Je suis pas à ma place. Excuse-moi, ils sont pas assez courts? Ils sont trop longs? Non, oui. Ah, c'est en fait, bon, si tu faisais du Proust alors? Pas du Proust, mais je faisais des vraies phrases, voilà, rapidement et plus. Voilà. Donc et donc là, c'est comme ça. J'ai quand même senti que ma voix n'était pas là. Voilà. Et puis effectivement aussi en post-Covid, j'avais l'impression qu'il fallait que je remplisse mon temps autrement. Donc voilà. D'accord. Pourquoi je, comme c'est quelque chose qui me travaillait depuis longtemps, j'avais commencé à écrire un peu, j'écrivais beaucoup de poésie étant adolescente, j'en ai fait encore un peu après. Au début de l'âge adulte, j'avais commencé à écrire un début de roman qui n'a pas suivi, il n'y a pas eu de suite. Et puis donc celui-ci est parti de ces éléments-là. Donc c'est un roman policier avec une partie romance qui s'appelle Gorilla's Girl. C'est une enquête en entreprise faite par un enquêteur amateur. C'est pour ça qu'on est plus dans l'esprit cozy crime que cozy mystery. C'est pas un enquêteur professionnel qui va être un peu comme on pourrait tous l'être, jeté dans un environnement qui n'est pas le sien. Et dans lequel il va devoir s'immerger pour se sortir de ce mauvais pas. Voilà. D'accord. Ben, c'est parfait tout ça. Et puis ben, en dernier, hein, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau cet après-midi, c'est monsieur. Il faut que le gâteau soit. Ah ouais, Didier. Elle est pas mal la cerise. C'est monsieur Christian Baudin. On a l'habitude de se croiser depuis. Oh là, ça fait 40 ans qu'on se connaît, donc on est très familiers tous les deux, presque intimes, hein. Enfin, oui, on peut dire. Une équipe, si tu veux, parce Pardon. Que une intime, intime, puisque depuis tout à l'heure on a des expressions anglo-saxonnes qui passent de micro en micro. Quand tu dis on est intime, je me pose la question de savoir si c'est l'intimité ou si c'est l'équipe. Jusqu'à quel point? Les deux, parce qu'on a souvent discuté de sujets d'équipe, puisqu'on a travaillé un petit peu ensemble sur d'autres projets, sur la photographie notamment, que tu connais un petit peu. Et on a été intime par le biais de ton papa, et puis aussi par le biais de certaines choses qu'on a pu se confier. Et ça, il faut rentrer dans le contexte de l'intimité pour pouvoir parler de ces sujets-là, quoi. Voilà, alors toi, je sais qu'aujourd'hui, tu seras plus cadré, on va dire, entre parenthèses, dans l'émission, pour le côté éditeur, et puis avec trois auteurs qui travaillent aussi avec des maisons d'édition. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Alors je vous cache pas que j'ai beaucoup de questions. Je pense que Eric a eu l'occasion de les survoler, n'est-ce pas? Il y a un gros potentiel. Voilà, il y a du potentiel et l'émission va être assez chaude. Et je sais qu'elle est écoutée un petit peu partout en France et même un petit peu au-delà de nos frontières. Donc on va en profiter pour le faire passer les messages. Et n'oubliez pas que si jamais vous voulez continuer à écouter notre émission hors France, vous allez sur le réseau internet, vous allez sur la radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans, et en haut du site vous avez marqué écouter, et là vous appuyez sur le bouton, c'est magique, et vous entendez bien sûr à 14h16 la voix de Didier Henco et de ses invités. Voilà, bon, on a fait une petite présentation sommaire juste avant de passer dans la première pause. Je voulais simplement dire que comme on a beaucoup de choses à dire et que je parle aussi beaucoup, et puis je pense que vous parlez aussi beaucoup, les liens de vos éditions, de vos ouvrages seront bien évidemment, on va pas pouvoir tout donner sur la fréquence, mais ils seront bien évidemment sur la page Didier Henco, sur le réseau que tout le monde connaît, Facebook, bien évidemment. Voilà. Eh ben, écoutez, je vais vous préparer donc une petite pause musicale, le temps de se mettre bien en condition. Et je pense qu'on va aller du côté de David Bowie. Je crois qu'on va aller faire un titre. Je crois que le titre doit s'appeler normalement Let's Dance. Excusez-moi en anglais, mais bon, c'est Let's Dance. Allez, décidément, on est envahi, hein. Ce morceau Let's Dance, David Bowie, qui en a fait danser plus d'un et d'une dans les discothèques orléanaises, voire un petit peu ailleurs. On va entamer le vif du sujet. Alors, je vous cache pas que j'ai les questions sur une petite tablette, hein, parce que j'ai pas tout dans la tête. Et après, bon, on fait comme on peut avec les moyens que nous avons. Voilà. Alors, ben, on va demander simplement à l'un ou l'une d'entre vous, hein, peu importe, pourquoi écrit-on ? Est-ce le fruit d'une longue maturation ou d'une inspiration soudaine ? Alors tout à l'heure, Nabila, tu nous as un petit peu répondu, hein, par rapport à ça. Et ben voilà, je vais passer le micro à celui qui regarde pas. C'est encore Eric. Donc je pense que tu as entendu la question. Oui. Alors, qu'est-ce qui nous fait écrire, c'est ça? Pour commencer, dans ta part, après. Dans ma part. Alors, l'idée, moi, en fait, j'ai créé un blog sur Facebook. J'ai un autre profil où je fais des histoires entre mon moi et mon surmoi. Et du coup, le personnage s'appelle Gustave. Et Gustave, je trouvais que c'était bien qu'il fasse des trucs éthérés, mais qu'il fallait lui donner du corps. Et du coup, j'ai essayé de lui trouver un métier, et celui qui lui collait à la peau, c'était celui de flic. Du coup, il fallait une histoire de flic, et c'est comme ça qu'est venu le roman. Après, le cadre et tout ça, je vis dans la région depuis plus de 40 ans, entre être dans maison de campagne ou alors être maison de retraite. T'as failli dire maison de retraite. Il fallait pas relever ça. Donc maison de campagne qui était du côté de Sury-aux-Bois et puis après on a évolué, donc on a tous habité un peu dans le coin, Châteauneuf, Orléans. Et du coup, le cadre du roman s'est trouvé tout de suite en visitant un peu tous les lieux que je connaissais, la forêt d'Orléans, un peu de la Sologne aussi, dans le sud, en Sud-Loire, un peu de Montargis à Milly, et puis voilà, on a structuré le bouquin comme ça. Enfin, j'ai structuré le bouquin comme ça. D'accord. Voilà. C'est pas une inspiration soudaine, c'est une inspiration quand même qui a été inspirée au fil du temps. Oui, parce que le personnage existait déjà, il fallait juste lui donner du corps. Mais l'esprit, il est un peu proche du mien, un peu proche de d'autres personnages, donc c'est un peu un mélange. Et oui, effectivement, de toute façon, on met tous du vécu dans nos histoires, donc. Automatiquement, la matière était là. Il n'y avait pas à aller chercher. Voilà, et puis on ne développera pas plus, mais en matière de nourrir le corps, je pense que tu sais y faire aussi. On n'a dit pas le fusil. Un prochain auteur ou autrice, à celui qui veut répondre. Avez-vous des rituels ou des méthodes d'écriture spécifiques? Allez, je vais m'adresser vers Claire, tiens. Si elle écoute. Elle écoute. Voilà, alors j'attends ta réponse. Ma méthode d'écriture, je m'aperçois en fait, j'aime beaucoup structurer, sauf qu'en fait, je ne sais pas toujours comment structurer. C'est pas évident. C'est-à-dire que je suis ce qu'on appelle à la fois une autrice jardinière et une autrice architecte. Deux notions bien opposées. Le jardinier, lui, il va laisser. Alors, peut-être pas dans la réalité, mais en tout cas en termes d'écriture, c'est quelqu'un qui va écrire au fil de l'eau, de ses pensées, de ce que peut-être parfois ses personnages le poussent à écrire, à faire. On dit souvent que les auteurs sont guidés par leurs personnages plus que par leur propre volonté. Je sais, ça peut m'être arrivé, mais pas pour tous les personnages, petit un. Et deuxièmement, pour la partie architecte, c'est quelqu'un qui va structurer chapitre par chapitre de façon très précise son histoire. Et moi, j'ai beau essayer d'être architecte systématiquement parce que ne pas être sûr d'arriver au bout d'une histoire me stresse. J'ai du mal à structurer la première partie. Je pars en mode jardinière. J'arrive au milieu du récit. Je sais comment je veux le finir. Je sais. Mais il me manque la partie vraiment plus technique pour articuler la fin, sachant qu'en plus qu'il s'agit d'histoire policière. J'ai le même sujet sur le deuxième que je suis en train d'écrire. C'est pour ça que. Déjà un deuxième? Bah oui, quand même. Il est sorti au mois de septembre l'année dernière. Oui. Il était temps que je m'y remette. Une fois qu'on y goûte. Elle est bien pour l'édition parce que. Pour vendre le premier alors qu'il s'essouffle, il faut en refaire un autour de 18 mois après, donc c'est bien. Ah voilà, voilà. C'est parfait. Et donc pour terminer, en général, quand je me heurte à ce qu'on appelle le mur du milieu, c'est quand même assez connu ce problème-là, là par contre, je reprends tous mes cahiers de notes, de carnets, là je me dis, il va falloir que tu structures un peu pour aller là où tu veux en venir. Carnet de notes, tu fais plus sur papier ou tu es plus sur ordinateur? Les notes, les idées, les personnages, les liens entre les personnages, tout ça c'est à l'écrit. J'ai un cahier voilà, qui est à l'écrit, mais ça peut être écrit clavier sur un smartphone, papier, ou sur un bloc-notes papier. Il y en a qui sont multi-supports. Moi je connais des auteurs qui, quand ils prennent le métro, le bus tous les jours, ils passent leur temps à écrire sur leur téléphone. Après, ils ont des supports à droite, à gauche, sur le téléphone, sur le papier, sur l'ordinateur. Moi, à un moment donné, je m'y perds. Mais pour tout ce qui est idées, maturation, même aussi quand je fais des recherches sur Internet ou des reportages que je peux voir, je vois quelque chose, je le note tout de suite. Et il m'arrive même parfois, quand je regarde une émission à la télé sur un sujet qui va pouvoir... pour moi être injecté dans mon histoire, ça m'arrive même de prendre mon téléphone et de faire des photos de mon écran de télé. D'accord. Parce qu'il y a un personnage, oui, un lieu, un sujet, et je me mets ça dans mes favoris pour y revenir plus tard parce que je sais que ça va continuer de travailler. Ça me fait comme une base documentaire d'une certaine façon. Voilà. Et par contre, pour tout ce qui est écriture, vraiment, quand j'écris le roman, là, c'est que sur mon ordinateur et tout est centralisé là pour le coup. D'accord. Ouais. Est-ce que tu es, je me permets de... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que tu es vivable quand tu écris ? Vivable, oui. Enfin, oui. Après, je trouve qu'on ne me laisse jamais assez de temps pour écrire comme je veux, la façon dont je voudrais, où je voudrais, le temps que je voudrais. Il y a bon nombre d'auteurs ou d'artistes, quand ils sont dans leur créativité, dans leur création, ils sont dans leur bulle et plus rien n'existe. Et c'est parfois très difficile à vivre. La seule manière, c'est de s'isoler, c'est de travailler à des heures où on n'a personne dans les pattes. Et ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours possible. Donc tu bosses toutes les nuits ? Pas forcément la nuit, mais ça peut être en dehors de chez soi, avec plus ou moins de compréhension par les gens qui vivent chez soi. Puis ton entourage. Oui, voilà. Je suis même, si on parle de manie d'écriture, parce que je sais que c'est un des sujets, manie et puis façon d'écrire, qui est un des sujets qui doit être abordé aujourd'hui, c'est que je m'aperçois de plus en plus que j'ai besoin vraiment d'une bulle, même géographique, physique. Soit une bulle chez moi, j'ai un bureau chez moi, mais je me suis réaménagé un bureau dans ma chambre, dans un petit alcôve qui va vers la fenêtre. Je me suis racheté des choses vraiment très simples, j'allais dire à pas cher, c'est pas le sujet, vraiment dans un endroit, un endroit d'écriture. Voilà, un endroit où, en fait, qui était inutilisé depuis très longtemps, et je me disais, c'est de l'espace perdu. En plus, sur le deuxième, j'ai une grande carte d'une ville, qui n'est pas une ville de France, pour donner pas trop de détails quand même, que j'ai accroché sur mon mur juste devant moi pour bien connaître les monuments. Ce que j'aime rues. Bien, c'est que je connais bien son mur, hein, parce qu'elle est très gestuelle, Claire. Oui. Vous ne la voyez pas là, mais je peux vous dire que. Oui, je sais, je joins beaucoup. Voilà, la je vois parole. Son mur et je vois sa carte. Enfin, les mains à la parole, pardon. Donc ça, c'est ça. Et même, j'en ai Miller, c'est pas. Excuse-moi, Miller, c'est pas italien, pourtant. Non. Les Italiens, ils aiment bien parler avec non, les. Non, mais par contre, j'ai un quart de sang méridional, ça voilà. Explique peut-être quelque chose. Parfait. ma prochaine question ira du côté de Nabila. Alors, tu as écrit un livre, hein, si j'ai bien retenu ma leçon au départ. Dans quel endroit, dans quel univers familial ou autre as-tu, toi, souhaité écrire ton livre ? Alors moi j'ai écrit mon livre effectivement dans un lieu qui m'est cher, chez moi. Je suis dans mon bureau et je suis au calme avec de la musique, un thé ou une tisane. Un thé, pourquoi pas ? Parce que c'est important pour moi, voilà. Ah, il faut, hein, d'être dans de bonnes conditions. Alors comme c'est un récit autobiographique, effectivement c'est un livre dont l'écriture m'a beaucoup remuée. Parce qu'au départ, c'était plutôt thérapeutique. Je l'avais écrit pas du tout dans le but de le faire éditer. Bien je sûr. L'avais écrit pour me faire du bien, pour raconter mon histoire à mes enfants, mes petits-enfants. Et puis après, on se prend au jeu et on se dit, pourquoi pas, cerise sur le gâteau, l'envoyer à des maisons d'édition. Parce qu'au Christian départ, Baudin. Mais pas. Je ne connaissais pas encore Christian. Bien je sûr. Ne connaissais pas encore Christian, donc j'ai envoyé... C'était pour la cerise. Voilà. La grosse cerise. Non, non. On avait dit pas le physique. Je vois bien qu'il y a de la place pour rebondir. Donc c'était pour moi un lieu, je dirais, apaisant. J'avais besoin de ça parce que c'est mon histoire. C'est quelque chose qui m'a remué jusque dans les tripes. Il y avait des moments très forts, très joyeux, très tristes. Donc j'avais vraiment ce besoin de m'isoler et mon mari a respecté ma ça, bulle. C'est... Donc au contraire, il rentrait, il m'a amené une boîte de Kleenex, un petit thé chaud et puis il repartait. Donc Ça t'est arrivé beaucoup de pleurer ? Oui. Ouais. Ça fait du bien, hein, ça permet c'est de sortir. C'est très libérateur. Ouais. Oui. Tout à fait. Tout et à là fait. Après, avec les larmes, on écrit plus facilement. Exactement, ouais. Ça coule de source. Ouais. Alors au début, un peu comme Claire, ça coule de source. J'ai voulu... Ça coule de source. Hein. Voilà, je voulais être l'architecte, j'ai fait un plan. Mais après, comme je faisais partie aussi d'un petit groupe d'amis d'auteurs, ils m'ont dit non, ne reviens pas, laisse le flot. Et ça coulait de source. Voilà. Donc j'écrivais, puis ça me faisait un bien fou. Ah, c'est une bonne thérapie, l'écriture. Hein. Tout à fait. C'est un exutoire, c'est... Ben, c'est mettre des mots sur nos mots. Voilà, tout à fait. Et des mots, tu les écris comment? Les deux, mon capitaine. M-O-T-S sur mes mots, M-A-U-X, bien sûr. Voilà, là, c'est très bien dit. L'inverse peut être valable. Eh bien, sur ces bonnes paroles, sur ces mots, on va directement glisser sur un tout nouveau morceau. Je pense que si je ne me suis pas trompé, ça serait un morceau de Supertramp. Hein, ça ne rajeunit toujours pas, ça. Voilà, on mais va continuer. C'est toujours aussi bon. Hein, ça fait du bien. Hein, voilà, c'est intemporel. Ça, c'est des morceaux qui se démoderont jamais ou dans quelques décennies. N'hésitez pas d'ailleurs, chers auditeurs et chères auditrices d'Arc-en-Ciel Orléans ou d'ailleurs, de me noter sur la page Didier & Co de la région d'où vous nous écoutez, donc avec un petit code postal par exemple, un petit coucou, et puis nous dire si l'émission vous plaît ou si elle vous plaît pas. De toute façon, je la continuerai jusqu'à la fin. Hein. Mais n'oubliez pas aussi que vous pouvez, si vous n'avez pas l'occasion de l'écouter là ou de la faire écouter, vous pouvez aussi, et je le dis à mes invités, vous réécouter après en podcast par le biais de Florent Amigo, qui est pas dans les studios, non, mais qui nous fait tous les podcasts, et je la republie après sur la page Facebook et sur les réseaux de distribution, comme dans toutes les bonnes boulangeries qu'on a en ce moment sur le net pour écouter de la musique. Et ben après ce petit morceau donc de Supertramp, on va attaquer le vif du sujet. Là, on va aller dans le cœur du réacteur. On répondra qui le souhaite. Dans la fabrication d'un livre, qui s'occupe de la correction, de la maquette, de la couverture? Ça, c'est pour l'éditeur, ça. Et plus, oui, aussi. Parce que, enfin, je sais pas, pas forcément. Je m'inscris en faux, ce qui étant autrice indépendante. J'ai fait faire ma correction, enfin, par quelqu'un qui s'y connaissait, oui, en dehors. Oui, tu avais un correcteur extérieur. Oui, parce que c'est pas toujours évident. Alors moi, déjà, je suis nul en orthographe, en grand amer. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau de la correction, même si on est très bon en orthographe, des fois, de se faire relire et de se faire corriger par quelqu'un d'autre, c'est mieux. Enfin, ça c'est permet. Essentiel. C'est essentiel. C'est absolument essentiel. Ouais, ouais. À savoir que c'est vrai que dans le monde de l'édition, il y a des grandes maisons d'édition, j'allais dire des maisons d'édition avec des, qu'on va dire, pignons sur rue d'obédience nationale, voire internationale, qui ont, eux, leur service interne. Mais malheureusement, pour chacun d'entre nous ici, c'est pas les éditeurs qui nous ont édité nos livres. Donc c'est vrai que d'abord, de relire et de faire relire le livre, ça donne aussi une vision sur les incohérences éventuelles dans l'écriture, parce que quand on est le nez dans son tapuscrit, on voit rien. Et puis en plus, on a son idée, le mot qu'on va pouvoir mettre en place n'est pas obligatoirement celui qui est approprié. Donc c'est vrai qu'il faut, j'allais dire, un petit comité de lecture, ne pas avoir peur aussi de faire lire à quelqu'un un ouvrage, parce que à partir du moment où on décide qu'on va faire éditer ou éditer soi-même un ouvrage, il faut se rendre compte que son écriture, son histoire ne vous appartient plus. Oui. Tant qu'on n'a pas fait cet acte de travail sur soi, de dire maintenant je vais aller vider ailleurs tout ce que j'ai pu mettre dans le livre, l'offrir en pâture, parce que c'est vraiment ça, on ne sait pas comment ça va être reçu. Alors, avoir autour de soi des gens qui sont... Des bêta-testeurs, un petit peu. Oui, on va dire bêta-testeurs, voilà. Bêta-lecteurs. Et puis, aussi, donc, faire corriger inévitablement son tapuscrit. Ouais, on va en parler un petit peu plus tard, je l'ai compris, donc, mais sur le côté du rôle de l'éditeur et de l'auteur, autrice, justement, sur ce côté écriture, changement, refaire... J'aimerais bien, si tu le permets, parce qu'avant d'être éditeur et d'avoir une nouvelle maison, une petite maison d'édition, j'ai été auteur d'une, je sais plus, 24 ou 25 livres, donc avec des livres photographiques, mais des livres sur la symbolique, des livres sur des villages de Sologne, etc., qu'on avait monté avec aux éditions du Jeu de Loi. Et ce que je veux dire, c'est que il y a cette décision extrêmement importante, intime, de savoir si oui ou non on veut bien raconter une histoire. Se la raconter, c'est bien, ça s'appelle de la masturbation. Il y en a beaucoup qui se la racontent. Et puis dire, ben allez, j'y vais, j'ose. Faut aussi vaincre sa timidité, faut vaincre ses peurs, et c'est vrai que comme ça a été énoncé tout à l'heure par Nabila, comme l'a aussi dit très bien Claire, et puis d'une manière un petit peu plus cachée Eric, c'est un véritable travail sur soi. L'écriture, avant tout, est un travail sur soi. C'est une thérapie de son ego. D'accord, voilà. Il faut savoir mettre son ego un petit peu de côté et s'ouvrir aux autres. Il faut de thérapie de son ego, c'est-à-dire trouver son ego. Oui. C'est-à-dire, j'ai toujours l'habitude de dire, et on le voit tous autour de nous, quand on a un ego surdimensionné, quand il y en a trop, quand ça pue, ça devient de l'égout, donc je tire la chasse d'eau. Mais c'est ça qu'il faut essayer de se dire. L'ego, on en a tous besoin. On a besoin pour exister. Il n'y a pas un artiste, un auteur qui n'ait pas d'ego. Encore faut-il trouver sa juste place. Oui, voilà, c'est plus sa juste place. Donc là, on a parlé un petit peu sur le côté correction, mais sur le côté, je vais poser la question à Eric et puis en même temps à Nabila. Sur le côté, l'un me répond pour la maquette et puis l'autre me répondra un petit peu aussi pour le côté choix de couverture, le choix du prix aussi du livre, suivant la grosseur, suivant le et en même temps le côté on parlera juste un petit peu après de tout ce qui est entre parenthèses Bibliothèque nationale de France et autres ISBN, oui, non, enfin après, parce que tout ça c'est un principe et un fait qui est que certaines personnes vont vouloir faire pour pouvoir après vendre son produit sur des lieux autres que sur le réseau perso. Donc voilà, ça va être un petit peu... Donc si tu peux me répondre au niveau de la maquette, ta maquette de livre un petit peu, en quelques mots. Alors, c'est vrai que le temps passe très vite. Moi, ma maquette, j'ai envie de te dire qu'elle a été faite au fur et à mesure du bouquin. Parce que j'avais pas d'idée précise. Je suis plutôt un jardinier, moi, comme écrivain. Donc, donc ça partait un petit peu dans tous les sens. Après, structurer, ça s'est fait au fur et à mesure en fonction des lieux que j'ai décrits dans mon roman. Donc après, la maquette d'ensemble, moi, comme au départ, j'étais auto-édité. J'ai découvert des outils chez mon auto-éditeur, enfin le support technique. Qui me permettait de maqueter directement mon texte dès que je l'écrivais, donc j'avais pas besoin de trop d'aller chercher bien loin. Donc après, une fois qu'on me présente un produit qui est pratiquement terminé. C'est pas un gros mot. Non, mais je veux dire, faut appeler un livre est un produit à partir du moment où on le vend, qu'on a le désir de le vendre, c'est une production. Donc automatiquement, comme le bouquin était structuré, je me suis pas trop occupé de la maquette. Je savais de quelle manière je voulais l'écrire, c'est-à-dire comment chaque chapitre est nommé et nominatif d'un personnage. Donc voilà. Et à part ça, il n'y avait pas trop d'autres choses que je voulais forcément maqueter, ni de chapitre particulier, ni de quoi que ce soit. Comment j'ai travaillé sur mon bouquin pour la maquette. D'accord. Voilà. Sur Nabila, alors toujours la même question, dans la même question, le corps de la question, mais plus on va parler du côté couverture de ton livre. Alors moi, par rapport à la couverture, le choix de la couverture de mon livre, en fait, ne s'est pas tellement posé, dans la mesure où, quand j'ai envoyé mon tapuscrit à 10 maisons d'édition qui étaient vraiment dans l'autobiographie, j'ai reçu, à ma grande surprise, 8 réponses positives. D'accord. Ce qui est quand même énorme. Donc après, j'ai choisi au coup de cœur les éditions Maya, parce que Maya l'abeille me parlait, parce que c'était les premiers qui m'ont répondu. Et j'ai proposé pour la couverture de mon livre un dessin. Je tenais absolument déjà que ce soit le titre que moi j'avais choisi, Tu verras le monde à travers mes yeux, qui représente cette promesse que j'ai faite à ma sœur. En plus, après deux greffes de cornée complètes, je voulais vraiment que la maquette soit à l'image de ce symbole, le symbole d'une couleur chaude, orangée. Ma sœur et moi regardons le monde de dos et pieds nus. En toute humidité, voilà, on regarde le monde et pour moi, c'était symbolique. Pieds nus, c'est surtout l'ancrage à la terre. Voilà, tout à fait. L'ancrage à la terre et devant ce monde qui est aujourd'hui, que je vois et qui est pour moi un symbole de gratitude déjà pour mes deux donneurs et de respecter cette promesse que j'ai faite à ma sœur. Voilà, parce que la couverture, c'est aussi comme un bon gâteau dans une aventure. Exactement. Si le gâteau est coulant ou un plat, tu me contredis si tu veux. C'est un peu ça. Ouais. Ah voilà, c'est si c'est un gros boogie booga, une couverture pas stylée, ça donne pas envie. Si on met ça en rayon quelque part ou qu'on le publie sur différents réseaux et qu'il y a une première accroche avec la couverture par rapport au personnage que l'on va avoir, par rapport à ce que l'on dit, tout de suite ça donne envie d'acheter, comme la pâtisserie va donner envie de croquer dedans, quoi. Comme une belle fleur que ce cycle amène par exemple en roulant sur deux roues. Et justement la maison d'édition a respecté mon vœu, mon choix, et ils m'ont proposé plusieurs couleurs dont celle-ci et j'ai validé. D'accord. Et ma suivante question, je vois qu'elle est très pensive pour Claire, mais je pense que Christian va répondre un petit peu aussi dans son côté auteur et dans son côté éditeur aussi. Puisque tu m'as dit que tu étais et à la fois jardinière et que maître d'ouvrage en même temps, bah oui, c'est normal pour quelqu'un qui écrit. Comment structurer ton ouvrage ? Tu entends quoi par le biais de l'intro, le corps, l'épilogue, la table des matières, comment l'articuler en fait, parce que c'est pas toujours évident quand on écrit, quand on est tout à fait dans les, on sait pas comment bien structurer son intro pour qu'elle tape, pour qu'elle accroche. On parle de des premières pages, des premiers paragraphes. Voilà, oui, de l'intro. Ou est-ce du qu'on livre. Parle de la maquette, parce que c'est non, pas non, le même là, sujet Non, là, carrément, tout. Là, on est dans la maquette est terminée. On est vraiment dans l'écriture du livre, dans le côté. Alors, ce qui est très drôle, c'est que pour j'ai un trou de mémoire sur le mot. Là, c'est pas l'incipit. L'incipit, voilà. Il y en a qui disent incipit, il y en a qui disent incipit. Moi, je n'ai pas de parti pris sur le sujet. En l'occurrence, l'incipit, je l'ai travaillé de je sais pas combien de fois. Dès le début, et le truc drôle, c'est que l'incipit d'origine n'y est plus. Oui, bah oui. Parce que le roman a été retravaillé autrement, il y avait un élément important de l'histoire qui arrivait d'après la bêta lecture que j'avais reçue, qui arrivait un petit peu tard dans l'histoire. Donc je me suis dit qu'il allait falloir que je charcute mon, entre guillemets, bébé, et que je déplace cet élément fondamental beaucoup plus tôt dans l'histoire. Et en le déplaçant, ça a fait que l'incipit que j'avais travaillé pendant très très très très longtemps, il a sauté. C'est un petit peu comme la musique, tu sais, quand on compose à côté musicien, quand on fait ses premiers mix, ses premières maquettes, on travaille d'une certaine manière, on laisse reposer, certaines personnes réécoutent et après on retransforme tout parce qu'on n'est plus on n'est plus sûr en fait. Et c'est là que je posais bien cette question, parce que moi je connais mes propres défauts à ce niveau-là, où je devrais un petit peu plus travailler. Mais déjà 4 livres sur 4 choses bien, enfin sur 3 choses bien différentes, c'est pas évident à écrire. Mais voilà, je suis un petit peu je m'étale un petit peu, je vais commencer par finir l'épilogue, je vais recommencer à venir sur l'intro, tu vois, très indiscipliné à ce niveau-là. Mais à la fin, je m'y retourne, je tourne toujours sur mes pattes. Oui, moi je connais des auteurs qui effectivement... J'ai besoin de ça en fait. J'ai notamment une amie autrice qui n'arrive pas à se sortir d'un roman qu'elle a commencé à écrire, et elle a écrit la partie policière, c'est pas roman policière, c'est un thriller, c'est encore un autre niveau. Partie romance et je sais plus quelle autre partie, et elle n'arrive pas à raccrocher les trois. Pourquoi déjà ? Parce qu'elle ne les a pas du tout écrits aux mêmes époques de sa vie, avec vraiment parfois plusieurs années d'écart pour arriver à raccrocher les wagons. Je comprends qu'elle ait du mal à s'en sortir. Donc elle m'a passé ses documents, je verrai si je suis en mesure de l'aider. En tout cas, lui donner quelques pistes de réflexion, bien modestement. Mais moi, je ne sais pas écrire comme ça. Je sais écrire que dans l'ordre. Après, s'il faut charcuter, découper, raccrocher, ensuite refaire de la couture pour refermer les bords de ce qu'on a extrait, voilà, c'est ça, hein. Et déplacer. Tu vois, je parle encore avec les mains. C'est ce que j'étais en train de... Je savais que tu allais le dire, donc j'ai fini par le dire moi-même. Elle était en train de coudre, en fait. Voilà, mais c'est exactement ça. Mais par contre, on a vraiment l'impression de faire du mal à son bébé. Hein. Ouais. Franchement, moi, ça m'a. J'ai pris cette décision pas à contre-cœur. Je savais que ce serait pour le mieux, entre guillemets, pour l'histoire. Mais arriver à arracher des morceaux, à les déplacer, j'ai dit, mais c'est pas un puzzle. Et même encore un puzzle, on retire un morceau, on le met ailleurs, ça veut plus rien dire. Mais... Pour moi, personnellement, je peux pas m'accrocher quand je suis dans un chapitre. Des fois, je suis obligé de m'évader parce que trop concentré sur le chapitre, j'écris plus. J'ai le blanc, en fait. Donc, je suis obligé de laisser reposer la pâte. Mm-hmm. De la mettre dans le frigo, d'aller préparer mon futur plat. Arrête de m'en regarder du coin de l'œil. Et là, tout d'un coup, j'ai un petit. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de corps, de nourrir le corps, parce que le premier métier d'Eric, c'est que là, c'est la cuisine. C'est les métiers de bouche. Voilà, mais en l'occurrence, il y a quand même deux écoles, c'est comme pour la pâte à crêpes. Hein. Il y a ceux qui font reposer 2 heures au frigo, puis il y a ceux qui la font tout de suite. Oui, qui mangent la pâte deuxième avant école, moi. La pâte à crêpes, j'en ai fait pendant des années le dimanche soir. J'ai jamais fait reposer ma pâte à crêpes et j'ai jamais eu de plainte. Voilà, parce que tout le monde l'a mangé. Et voilà. Donc deux écoles, hein, après chacun fait comme il le sent, finalement, avec comme il se sent plus à l'aise. Il n'y a pas de meilleur moyen que. Je crois qu'il n'y a pas, avec ma petite expérience d'auteur, mais aussi d'avoir rencontré bon nombre d'auteurs, d'avoir discuté sur leur manière, sur leurs envies. Il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une seule méthode. Non, c'est chacun fait sa cuisine. L'important, c'est que quand on a le plat dans l'assiette, on ait premièrement admiré le plat, envie de le manger, l'odeur, faut qu'il sente bon. Et puis que gustativement, il nous laisse quelque chose dans la bouche d'agréable ou d'anxieux si c'est un thriller, etc. Il faut qu'on arrive à digérer les émotions, pour reprendre une métaphore vis-à-vis de la cuisine. Mais la littérature est une cuisine des mots. Et je suis pas le premier à le dire. Et c'est une véritable réalité. De la même manière, lorsque j'ai créé des livres photos, les images, les photos racontent une histoire, racontent une émotion. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir, au travers du fait d'assembler à tel endroit dans le livre, telle chose, telle phrase, telle photo, on va ainsi inviter le lecteur à rentrer, à être lui-même l'ingrédient du plat qui va permettre une bonne digestion, un bon moment passé à table ou au lit ou dans son canapé à lire. Tout revient à la cuisine, en fait. Voilà. Mais bon. Alors c'est plus ou moins épicé. Le cerveau n'est pas loin de la bouche. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que il n'y a pas vraiment une méthode pour écrire. Tous ceux qui en font des publicités sur les réseaux se trompent de toute façon, puisque chacun a vraiment sa méthode. Excuse-moi, Eric, je pense qu'on n'est pas tout à fait sur le même niveau. Lorsque tu as. Alors, on va parler des sessions de formation, etc. Il y a des bases dedans qui sont. Par exemple, on va reprendre ce qu'un autre ami, Eric, a fait et qui fait des conférences là-dessus. Comment on écrit, on coordonne la véracité d'un livre. C'est-à-dire que lorsqu'on a un héros, il faut qu'on ait une architecture, comme l'a dit tout à l'heure, claire par rapport à ce héros, par rapport à ce personnage. C'est le personnage principal, mais on peut pas dire qu'il soit né en 1960 et dire qu'à côté, à sa naissance, ses parents écoutaient Zao de Zagazan. J'exagère le propos. La cohérence, c'est important d'avoir cette technique. Il y a de la technique. Après, la manière dont on le fait, dans l'ordre où on le fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais je pense que la technique, c'est comme moi en tant que photographe. Je veux dire, quand tu maîtrises la technique, tu peux passer à la création. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent, qui n'ont aucune, je ne parle pas de l'orthographe ni de la grammaire, mais qui ne savent pas, qui ne comprennent pas comment on raconte l'art une histoire. L'art de la narration, tout simplement. Ouais. Tout à fait. Et ça peut s'apprendre. Ça peut s'apprendre. Mais la créativité n'a finalement rien à voir avec l'art de la narration. Donc chacun fait comme il l'entend. Exactement. Mais tu fais une béchamel, quelle qu'elle soit, tu as toujours à peu près les mêmes ingrédients. Exactement. Oui, oui. On peut préférer la même chose. Sauf qu'après, bah, tu apportes ta petite touche personnelle. Par contre, pour la béchamel, il y a un ordre. Hein. Si tu mets ta farine dans la casserole avant de mettre le beurre, il ne faudra pas t'étonner que c'est une drôle de texture. Voilà, Didier, tu as vu, on est en train de faire une émission. Je suis capable de tout. J'ai une émission de cuisine culinaire, mais j'aurai sûrement incessamment sous peu un invité de niveau un petit peu collé bleu, blanc, rouge qui devrait normalement me répondre favorablement. Donc j'attends sa réponse juste avant d'avoir notre petite troisième page musicale. Pour vous, alors m'en répond qui le souhaite, avoir une préface. Donc quand je dis une préface, c'est signé par quelqu'un d'un petit peu connu ou très connu. Est-ce un atout ou ne faut-il tout simplement ne pas avoir de préface ? Le mot de l'éditeur et puis le mot d'un auteur ou d'une autrice ? Préface, alors j'ai eu l'expérience hein, à titre personnel d'avoir des livres préfacés. C'est un plus pour son ego parce que c'est une reconnaissance par un pair, par quelqu'un qui a apprécié le travail. Ça peut être aussi pour certains éditeurs la manière de rémunérer un auteur qu'on veut mettre en avant, lui faire changer d'échelon. Alors un tel préface machin, donc oui, un tel est reconnu comme, voilà, donc attention à la préface ou pas de préface. Je crois qu'une fois de plus, il faut le sentir avec son cœur. Quand on parle aux éditions, je crois qu'il ne faut pas... Tout ce dont nous avons parlé tout à l'heure est extrêmement valable pour les petites maisons d'édition et pour les auto-édités. Or, dans les grandes maisons d'édition, vous n'avez rien à dire sur la maquette. Vous n'avez rien à dire sur l'orthographe. Vous n'avez rien à dire sur l'ordre du livre. Ils refont tout s'ils veulent. Hein, et vous n'avez surtout rien à dire sur la couverture. Une couverture, on en a vaguement parlé, mais la couverture, c'est le premier acte d'achat. Ah, si, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le premier acte d'achat. D'achat, c'est. Ok. C'est mais il n'y a pas que la couverture. Il y a trois niveaux de lecture. Alors après, c'est de la com pure et dure. Il y a trois niveaux de lecture, le titre, l'accroche, et puis éventuellement le nom de l'auteur. Quand l'auteur est très connu, c'est simple. On va mettre en haut Bernard Werber. Et en très gros. Et c'est souvent plus gros que le titre. Voilà. Donc, après, c'est la notoriété. Mais ça peut être aussi de la com. Ça peut être aussi de la com. Et puis, surtout, ce qui est très important, on n'en a pas parlé, c'est la quatrième de couverture. La quatrième de couverture, c'est plus important que l'incipit. C'est ce qui va faire que le client va prendre le livre. Je dis bien client, hein. Le client lecteur. Le potentiel lecteur. Ouais, voilà. Va retourner le bouquin. Alors déjà, moi, j'aime bien mettre la tête de l'auteur parce qu'au moins, on sait à qui on cause. Et puis, en 15 lignes et 5 lignes, il va falloir tout mettre dedans. Et ça, c'est de la responsabilité de l'éditeur. D'accord. On est dans la communication pure. Ok. Voilà. Et pour finir sur une couverture, vous savez, pourquoi est-ce qu'on met les gros bandons prix Goncourt, machin? C'est parce que c'est des bandeaux rouges. Ouais, parce que c'est vendeur. Oui, non seulement c'est vendeur, mais j'ai fait l'expérience en tant qu'éditeur de mettre le nom en bas dans un bandeau rouge. L'œil est sensible à cette couleur-là. Oh, voilà, eh bien... C'est la colorimétrie. J'avais pure, deux... J'ai donné un exemple très concret de notre ami Jean-Louis Riguet, que tout le monde connaît sur la place d'Orléans, qui a malheureusement disparu il y a quelques semaines, quelques mois. Moi, j'avais ses bouquins, il y avait des bouquins où il n'avait pas son nom, en gros, dans un bandeau rouge. On avait fait une réédition de ce bouquin qu'il avait fait éditer par ailleurs, qu'il nous avait demandé de rééditer. On a mis Jean-Louis Riguet dans un bandeau rouge, on en a vendu trois fois plus que quand il n'y a pas de bandeau rouge. Donc, ce qui veut bien dire que l'image numéro un du livre, c'est sa couverture. D'accord. Complètement, d'accord. Bien, bien, bien. Donc ça, c'était le côté d'un éditeur, mais Claire, tu m'as l'air d'accord. Ah, complètement. J'abonde totalement. Voilà. Oui. Donc, surtout moi, en ce qui me concerne, sachant que je suis en indépendant total, donc j'ai eu la responsabilité du début à la fin de ce livre intérieur, extérieur, que ce soit sur le contenu, le maquettage aussi. C'est un sacré défi aussi, hein. Oui, mais en même temps, c'est très, entre guillemets, excitant. Parce que on n'est pas juste à écrire. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est manipulation, enfin tout ce qui est image, couleur, centrage. Je suis madame pénible, millimétrage de tout ce qui doit être centré avec ça, les ça hauteurs. Ça fait plein de millimètres, ça, ce que tu me fais avec tes doigts. Hein. C'est des gros millimètres. On est d'accord. On est d'accord. C'est une façon de parler. Mais oui, je suis très très sensible à ça. Et pour revenir sur la quatrième de couverture, il y a entre guillemets des pas des critères, mais des us et coutumes. En moyenne, après il y en a qui font beaucoup plus, d'autres qui font vraiment beaucoup moins, la longueur moyenne d'une quatrième de couverture, c'est à peu près 150 mots. Oui, c'est ça. Ouais, il y en a qui font 50, j'arrive pas à m'intéresser à... On parlait surtout de l'attrait de la préface et de la personne. Moi, j'ai eu l'occasion de me faire préfacer des livres par des personnes qui étaient quand même, dans le sport ou autre, un petit peu connues. Mais bon, malheureusement, ces personnes-là, voilà, ça leur fait plaisir. Ils disent oui parce qu'ils veulent pas dire non, mais ils vont malheureusement pas faire vraiment le job pour t'aider à vendre dans le sens c'est des personnes je vais pas les citer mais sur mes livres vous les retrouverez voilà c'est des personnes connues dans pas mal de milieux et voilà si une préface ça fait bien pour son ego comme tu le disais si bien tout à l'heure d'avoir le nom de telle personne mais ça a pas fait décoller les ventes. Moi, ce que je préfère, à l'opposé d'une préface, ce que je préfère et ce que je n'ai pas, en tout cas pas aujourd'hui, ce que je préfère avoir potentiellement ou trouver sur la quatrième de couverture d'un livre, c'est les recommandations de magazines, voilà, de gens, même avis. Des fois très connus. Mais c'est pas la préface intérieure du livre, qui est à l'intérieur du livre, c'est quelques mots au dos du livre. Ça c'est bien plus intéressant, bien plus percutant parce qu'en général on choisit des phrases courtes. C'est beaucoup plus vendeur. Hein. Pour avoir des mots de différentes personnes, il faut déjà avoir écrit, être un petit peu. Je suis d'accord, mais ça peut être aussi des magazines littéraires. Il y a aussi de plus en plus, moi ce que je vois à l'intérieur des romans, mais aussi à l'extérieur, des avis de blogueurs qui ont reçu. Ouais. Blogueurs, on en voit beaucoup sur les réseaux, notamment influenceurs littéraires, des blogueurs littéraires, mais c'est pareil. Qui reçoivent souvent des livres à l'avance, qui les lisent et qui donnent des avis sur le livre qu'ils ont lu. Et après, ça va être injecté dedans. D'accord. Je voyais que Christian me faisait un signe à travers la glace. Je vous rappelle que vous aurez peut-être l'occasion, un de ces quatre, de visiter les locaux à travers nos vidéos qu'on mettra en place. Je voyais que Christian levait le doigt comme à l'école. Alors, je ne sais pas s'il faisait un signe monnaie. Non, je ne levais pas le doigt, je disais pépette. Ah oui, pépette, bien sûr. Parce que, à moins d'avoir vraiment des très très bons amis, fidèles, je veux dire. Moi, j'ai eu le cas de certaines personnes que j'avais contactées pour les préfaces. Ouais, mais qu'est-ce que ça me rapporte à moi si je t'écris un mot? Donc, voilà, rien, parce que t'écriras pas ma préface, c'est tout. Je travaille pas dans ce sens-là. C'est un produit. C'est un produit, ouais. Oui, bien sûr, mais après, voilà, parce que je m'appelle Bertrand machin, voilà, pour moi, ça se monnaie pas. Enfin, je suis pas à ce niveau-là, à mon livre, à moi. Moi, je pense personnellement, Nabila, je pense personnellement qu'une préface, déjà, c'est quand on fait la démarche de la demander à quelqu'un, c'est que cette personne à qui on la demande, on lui fait confiance. Bien sûr. Et on sait que c'est quelqu'un qui va pas vous plomber. Et pour moi, c'était indispensable parce que le regard d'une autre personne, importante ou pas, est quelque chose de primordial. Voilà. D'accord. On va passer à la question suivante. N'hésitez pas de revenir sur la page Didier & Co. Donc, si vous avez des questions ou autres, je ferai passer aux invités d'aujourd'hui ou qu'on répondra directement un petit peu plus tard. Parce que je manie pas encore assez bien le pupitre pour être en même temps et gérer les questions-réponses. Je m'appelle pas Albino Mavrika et je mets pas tout en direct. Et il a 15 ans et moi j'ai 4, j'ai un mois. Donc voilà, on se compare pas, n'est-ce pas, monsieur, mon parrain qui est derrière et qui rigole un petit peu. Donc on va passer sur la question suivante. Comment gérez-vous le doute, le syndrome de la page blanche ou la critique pendant l'écriture? Qui veut répondre? Moi, je veux bien. Si ça te dérange pas. En fait, je gère pas ce genre de choses. C'est-à-dire que moi, sitôt que je bloque, je m'arrête. Tu laisses reposer la patte. Ouais, je laisse reposer en fait. Ouais. Et c'est souvent bénéfique parce que quand on revient dessus, automatiquement le flow, comme on est un mot de maintenant, le flow revient aussi rapidement. Et les idées qu'on avait perdues, on les retrouve assez aisément. Donc ce syndrome là pour moi il est plutôt un signe qu'il faut que je m'arrête, pas forcément quelque chose qui est mauvais, c'est juste un signe quoi en fait. Voilà. À toi. Oui, vas-y, okay, je suis mauvais élève, j'avais juste baissé mon micro pour pouvoir parler avec mon professeur derrière, voilà, parce que je vous cache pas que faire de la radio, c'est pas évident, c'est pas juste. Je parle dans un micro, surtout que nous sommes animateurs et techniciens à la fois, donc il faut tout gérer. Voilà, le lancement des musiques, la vérification. Tu vas nous faire pleurer, Didier. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis pas là, mais je vois qu'il y a Nabila oui. Là-bas qui lève la main. Vas-y, allez. Heureusement qu'il y a une glace entre nous quand même. Alors moi, je reviens sur ce que Eric a dit. Effectivement, je n'ai pas eu du tout le syndrome de la page blanche. Quand j'ai commencé à écrire, c'est venu... ça a coulé de source. Par contre, la seule chose, c'est en fait oser sortir de ma zone de confort. Parce que pour moi, comme en plus je parlais de ma vie, que je racontais quelque chose d'intime, donc il fallait que vraiment je franchisse ce pas pour sortir de ma zone de confort et raconter ma vie. D'accord. Ça n'est absolument pas romancé. Il y a pas du tout. C'est vraiment pas du tout romancé. Du factuel, c'est, voilà. C'est vraiment chronologique et c'est vraiment la vie réelle que j'ai vécue, que je raconte. D'accord. Avec toutes les vérités, toutes les failles. Donc je me mets vraiment à nu. D'accord. Mais avec en toute pudeur et avec toute bienveillance et générosité. Et c'est remarquablement bien écrit. Ouais, bien dit. Et ben là, je vais en profiter parce qu'il est à peu près l'heure. On est à peu près dans les temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça va être l'heure. Vous savez que dans cette émission, j'ai pour coutume de faire un ou deux clins d'œil à des artistes locaux parce que c'était un petit peu le deal que j'avais avec notamment Albino, qui lui publie son émission le vendredi soir Mavrika à partir de 19h jusqu'à 22h. Ce que j'aime bien, c'est que pendant que je parle, il me calme mes disques. Donc c'est parfait. Un bon collègue derrière. Mais en même temps, on s'était promis de, comme c'est pas les mêmes heures d'écoute pour le public, pour les auditeurs et les auditrices sur Arc-en-Ciel 96.2, ça nous permet un petit peu de redécouvrir ou découvrir les artistes que lui passe dans ses émissions. Il m'a passé tout son fichier et c'est pas petit, c'est 15 années de musique et d'émissions et des groupes, c'est 160 gigaoctets de musique, ouais, ça représente. Ah, ça dépend si c'est compressé ou pas. Ah ouais, après non, on fait en général c'est du wave. Ça fait du poids. Et donc là je vais faire découvrir un tout nouveau alors je vais rigoler parce qu'il y en a certains qui vont ouvrir la bouche en disant "Ah, il y a pensé." Mais en même temps, je vais vous faire découvrir une personne que je connais personnellement pas trop, mais j'ai eu quand même l'occasion d'écouter et qui a un cœur gros comme ça et qui est notre région. Si tu veux bien lancer, eh ben, on appuie sur le bouton et c'est parti. Merci Didier. Écrit à l'horizontale, le baroque occidental. C'est là que je gagne ma vie, au commerce d'eau de vie. Les samedis, il y a du monde, il y a des blancs qui boivent des blondes. Toute la nuit, ils fraternisent, les dimanches, ils vont pas à l'église. Le petit black, le petit black, du bar occidental. Le petit black, du bar occidental. Le 14 du mois de juillet,

vous réparer. Et quand il avait un moment sur de grandes feuilles de papier blanc, il peignait toutes les couleurs du temps. Il y en a qui ont des mains de petits vieux. Lorsque vient l'heure de s'en aller, mon père a rejoint ses aïeux, digne jusqu'au moment dernier. Et quand sur son lit d'hôpital, en l'embrassant, j'ai pris ses mains, tu vois, ce fut phénoménal. Elles étaient blanches comme la couleur du temps. Bien, il est 15h16, vous êtes toujours sur la radio Arc-en-Ciel Orient 96.2 FM ainsi que sur le web, et nous sommes toujours en compagnie de Claire Miller, autrice, Christian Baudin, auteur et éditeur, Nabila Jaffar, autrice, et monsieur Éric Duval, auteur. Et là, vous venez d'écouter deux morceaux de la région Centre. Le premier morceau était donc un morceau intitulé, enfin chanté du moins par Adonis. Et quel était ce morceau, monsieur Christian? Est-ce que tu as le titre? Le bar occidental. Voilà, bah parfait, je vois que ça suit derrière, c'est bien, tu viendras me chercher tout à l'heure. Tu auras une image, et après, non, tu auras un bon point, et après je te filerai ce si soir peut-être photo, une image. Si c'est ta photo, je n'en ai pas besoin. J'imagine. Et sur le deuxième morceau, vous l'avez peut-être reconnu ou pas, c'était la bande à Pierrot, avec Pierrot qui est auteur, compositeur, interprète, et qui, c'est un scoop, est en train de travailler en solo. Et je l'ai eu pas plus tard qu'hier soir au téléphone, assez tard, justement pour pouvoir caler ce morceau. Donc on va revenir à nos moutons. Didier, oui. Didier, je t'interromps. Je voudrais quand même signaler que Adonis a donc fini son deuxième album, et puis qu'il a sorti un livre qui s'appelle La danse des moustiques, qui est absolument remarquable. C'est-à-dire que un auteur de chansons est aussi très souvent un excellent écrivain. Oui, bien sûr, mais je crois qu'il faut déjà être écrivain quelque part dans l'âme avant d'être... Au moins poète. Au moins poète. Voilà, tout à fait. Et je sais que les deux personnes, Adonis, je le connais moins, mais je connais très bien Pierrot, pour l'avoir vu en prestation dans les... dans l'émission de je vais pas y arriver, de ce que j'organisais cet été, et c'est vrai que c'est un homme éminemment charmant et très poète, voilà, et qui sait bien faucher les mots, comme il dit, c'est un faucheur de mots. Voilà. Alors, bah, je pense que là, ça va plus. Comme tu aimes bien avoir la sucette, Christian, comment décrirais-tu? T'appelles ça comme tu veux. La sucette, c'est un vieux jargon. Prochaine édition, d'ailleurs. Prochaine émission, une émission qui se prépare en deux volets. Hein, il y aura deux jeudis de suite sur du monument radio, d'ailleurs. Avec des super invités, et ça sera fin février, début mars, parce que j'ai déjà mon carnet de rendez-vous qui est déjà peint jusqu'à fin avril là, au niveau des émissions, avec des sujets de plus en plus ouverts et pour toutes et tous. Alors, mon cher Christian, comment décrirais-tu la ligne éditoriale d'une maison d'édition? Alors, premièrement, on peut définir des lignes éditoriales parce que une maison d'édition n'en a pas une seule. Heureusement pour elle, parce que rester dans une niche de lectorat, c'est pas obligatoirement la meilleure chose à faire du point de vue commercial. Avant de parler de lignes éditoriales, aujourd'hui, je crois que l'éditeur, l'édition, le petit éditeur que je suis, ou que comme beaucoup d'autres maisons d'édition sont, eh bien, c'est le coup de cœur. Bien sûr, il y a la relation avec ce qui a été écrit, puisqu'on lit, puisqu'on va regarder ce qui se passe, mais c'est aussi la manière, la relation qu'il y aura entre l'éditeur et l'auteur. L'engagement aussi de l'auteur vis-à-vis de l'éditeur. Je ne parle pas obligatoirement d'engagement financier sur l'achat de livres, mais être un éditeur et ne pas avoir un auteur qui désire faire des dédicaces derrière, qui ne désire pas présenter, qui n'a pas envie d'aller faire des émissions de radio, c'est même pas la peine pour un éditeur local en particulier de pouvoir d'investir sur un livre d'un tel personnage, un tel auteur. Tout est aussi dans la relation humaine et c'est ce qui fait le charme de ce métier, avec des engagements qui sont pas anodins. Premièrement, c'est la confiance. Cette confiance, c'est l'auteur qui va dédier, qui va donner contre un pourcentage sur les ventes, qui va donner les droits à l'éditeur. Les droits, ça veut dire que l'éditeur devient propriétaire, finalement, du livre. Mmh. Pendant un temps, il y a des lois où on a des contrats d'auteur, on a des contrats d'éditeur, et tout ça, ça existe, et encadré par des lois et qui font que on va entrer dans un domaine de relation de confiance où en gros l'auteur confie à l'éditeur son bébé qui va devoir l'élever. L'élever, ça veut dire ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il fasse imprimer et il va surtout falloir qu'il fasse diffuser et vendre. Ouais, ça, ça fait partie d'un autre volet un petit peu plus tard. Oui, dans mais c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, cette relation, c'est une relation de confiance. D'accord. Absolument. Et qu'est-ce qui fait que j'en suis toujours sur Christian. Hein, voilà, je l'aime. Mais je pense que les autres peuvent aussi répondre. Bien sûr, c'est plus des questions qui sont axées sur l'édition. Mais si vous voulez aussi prendre la parole, il n'y a pas à lever le doigt. Vos micros sont ouverts. Allez-y. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'un manuscrit retient l'attention et colle justement dans un catalogue? Je sais que toi, tu as un catalogue assez grand. Et non, que j'ai pas de catalogue. Enfin, non, aujourd'hui, pas un catalogue, mais je connais bien. Voilà, tu connais bien le système. Je t'ai vu notamment sur un stand, ça faisait petit office de catalogue en bord de Loire. Là, c'était dans un autre contexte, mais c'était aussi un catalogue à ciel ouvert avec tous tes auteurs. Bon, on va en parler en fin d'émission hein, sur ton association qui gère un petit peu tout ce système-là. Donc, tu n'as pas de catalogue, mais Les catalogues. Déjà, ça veut dire que quand on a un catalogue, on est déjà une maison d'édition qui a un peu de bouteille, qui a 50 ou 60 titres à minimum à son catalogue, justement, dans lesquels on va avoir un catalogue plutôt histoire, romance, poésie, etc. Alors, il y a des éditeurs qui se sont spécialisés dans la poésie. Mais je rappelle quand même qu'un livre vendu en France de poésie, les très très bons chiffres de vente, c'est 150 exemplaires. Donc, faut tout relativiser. Aujourd'hui, un roman, tout titre confondu, la moyenne en France, c'est 350 exemplaires. Entre 300 et 500, quand on est en maison d'édition, après ça dépend. Mais voilà. Et dedans, on inclut, c'est une moyenne, on va inclure les titres qui vont faire, eux, plusieurs centaines de milliers de tirages. Donc vous imaginez bien que l'aventure éditoriale est une véritable aventure, autant pour l'auteur que pour l'éditeur. D'accord. C'est un Koh-Lanta littéraire. C'est tout à fait ça. Au-delà, là c'est la dernière question, juste avant une petite pause musicale, parce qu'il en faut un petit peu. Au-delà du texte, quel rôle joue la couverture? Bon, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, vous avez déjà un petit essentiel. Peu, voilà, le format ou le choix du papier dans la mise en marché d'un ouvrage. Alors, il y a de tout. Parce que le nombre de pages du livre va, en fonction d'un tel format, va aiguiller le type de papier. s'il y a de la reproduction en quadrichromie, ben on va pas prendre le même papier que si c'est du texte noir et blanc. Donc en gros, on a ce qu'on appelle en termes techniques du 90 grammes bouffant, qui est un papier qui tient. Excusez-moi, je vais parler un peu jargon, mais qui a de la main, c'est-à-dire qui se tient, mais qui est pas trop lourd et pas trop ponéreux. Ça joue aussi sur l'épaisseur du livre, in fine. Plus il y a de pages, plus on prend un papier épais, plus le bouquin, ça va être un pavé. Hein. On est bien d'accord. C'est après, c'est vrai que c'est pratique. Pour l'expédition, pour le poids. Non, mais ça, c'est encore un autre problème. Mais ça a une influence. Hein, énormément. Aujourd'hui, c'est plus la peine de vouloir expédier ces bouquins par la poste. Mondial Relais, ça marche bien, c'est moins cher. Dans des points relais. Mais bouquin par la poste, vous avez un bouquin, vous l'envoyez, vous en êtes tout de suite pour 8,50€, 8,70€ aujourd'hui. Depuis qu'ils ont supprimé le tarif, il y a d'autres systèmes d'expédition sans donner trop les noms. En dessous d'un kilo, 2,99€. Voilà, c'est d'autres styles d'expédition qui passent à 4€, 4-5€. Voilà, tu l'as nommé un petit peu tout à l'heure, Claire. Voilà, c'est des systèmes qui permettent d'envoyer sans être trop coûteux, parce que tout de suite ça augmente. Ouais. Donc le format, pour répondre, le format est tout à fait. Ça dépend aussi de ce qu'on veut. Si on veut que ça soit un beau livre, il y a des éditeurs qui ne font que des caractéristiques de livres de poche, avec un prix qui correspond à un prix de livre de poche. Après, 10, le format, 12 euros, ouais. Mais on va se retrouver, si c'est un peu gros, avec des caractères ultra fins. Moi, aujourd'hui, je déconseille de descendre en dessous de 12, voire 11,5. Ouais. Mais parce que sinon, au niveau de la typographie, parce que sinon, c'est illisible. Bien sûr, ouais. Donc, c'est illisible. Donc, selon les livres, il va falloir aussi dire à l'auteur, cher monsieur, chère madame, chers amis, va peut-être falloir renier, hein. Tu m'enlèves 50 pages, sinon je t'édite pas. Parce que sinon je passe pas. Quand on sait que normalement, par l'Agence nationale du livre, on vous dit en tant qu'éditeur, le prix de vente est calculé de cette manière, c'est-à-dire que vous avez un prix à l'unité de votre livre chez l'imprimeur, eh bien le prix de vente doit être de 7 fois plus cher. Si vous achetez un livre 5€, ce qui est encore un bon prix très bon prix par rapport aux quantités qu'on va bien sûr être en capacité de diffuser et surtout de vendre, le bouquin devrait normalement être vendu 35€. Autrement dit, c'est invendable. Donc les économies d'échelle, elles passent par le fait que on ait des engagements directs vis-à-vis des lecteurs et qu'on ait vraiment cette volonté de faire du circuit court entre le lecteur et les auteurs. Ok, on a encore, il nous reste à peu près 30 minutes d'émission et on a encore plein de questions. On va en faire une deuxième. Hein? Ouais, mais on aura peut-être l'occasion. Je l'annoncerai tout à l'heure quand même. Mais voilà, j'ai un petit scoop aussi que j'ai appris il y a pas longtemps pour mon côté. Avant de passer dans une pause musicale et de partir avec Monsieur Pat Garrett, je pense que vous aurez reconnu le morceau qui sera dédié à mon ami Gérard qui est dans un autre département et qui fait un petit peu le même métier que moi en production musicale. C'est Pat Garrett et Billy Luckett. Je pense que vous avez tous le titre dans la tête. Je le prononcerai pas parce que mon anglais est vraiment petit. I speak so poor. Ouais. Just a little. Voilà. Quel est le plus grand défi que vous avez rencontré récemment dans l'édition, côté économique, logistique, etc. Alors, vite fait, en quelques mots, je vais passer sur les trois auteurs et sur toi, Christian. Pour moi, c'est l'économie. L'économie ? Oui. Quand on voit les sommes astronomiques qui sont demandées par certains éditeurs, alors effectivement, il faut faire la différence entre les grands éditeurs qui prennent tout en charge et les éditeurs qui nous éditent un compte d'auteur par rapport à un compte voilà, d'éditeur. Là on va de bah moi pour moi ça a été 700€, mais on peut passer de 500€ à 5000. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est des sommes qui sont assez importantes. Le côté économique, de toute façon, il arrive à un moment donné et c'est un vrai souci parce que qu'on soit à compte d'auteur ou auto-édité, il se pose le même problème. Il faut payer ses livres pour pouvoir les vendre après. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Donc tout ça, bah oui, sans jamais rien sans rien, tout à un coup. Mais bon, après entre, puis il y a l'obligation aussi du dans l'auto-édition, on peut éditer très peu, alors que dans l'édition en général, suivant les maisons d'édition, on est obligé de sortir des volumes qu'il faut pouvoir après écouler entre parenthèses. Ça, ce sont seulement les maisons d'édition à compte d'auteur qui vous obligent à acheter un volume d'office. Les maisons d'édition à compte d'éditeur, ils vous fournissent des exemplaires pour pouvoir faire des dédicaces, enfin faire des dédicaces, pour pouvoir les donner ou les vendre de votre côté si vous le souhaitez. Ouais. Mais il y a aucune dans une maison d'édition avec un éditeur. Non, mais c'est ce que je disais, suivant par quel système on passe. En quelques mots, Nabila, côté économique, côté... Côté économique, c'est sûr, parce que c'est le nerf de la guerre. Alors moi, je suis à compte d'éditeur, effectivement. Donc c'est la maison d'édition qui a présenté un site crowdfunding, si on le dit comme ça. Donc ce sont les livres qui ont été mis en prévente, et une fois que j'avais atteint par mes préventes les 100% qui se basaient sur 990 euros à peu près, ils étaient d'accord de lancer la production de mon livre. Moi, j'avais atteint en 15 jours les 150% qui étaient à eux, parce que moi je n'avais aucune commission là-dessus. Et effectivement, ils ne m'ont pas obligé à acheter un certain nombre de livres. Ils m'en ont offert une toute petite quantité. Mais j'ai acheté mes propres livres, moi, pour pouvoir les vendre dans mes salons, dans les séances de dédicace. D'accord. Mais sinon, effectivement, c'est... Ça, c'est un compte d'édition participatif. Donc, c'est un intermédiaire entre le compte d'édition à compte d'éditeur et le compte l'édition à compte d'auteur. Et là, à mi-chemin entre les deux. Juste éclaircir un petit peu, parce que nous, on sait un petit peu, mais débroussailler en tant que jardinière... c'est pas du tout participatif. Participatif, ça marche sur le crowdfunding. Hein. La définition. Claire, on a des auditeurs et des auditrices. Là, j'ai reçu une question qui me demande, pouvez-vous, en quelques mots, nous dire ce que c'est que l'auto-éditeur, les différentes... Pour un peu vulgariser le vocabulaire. Voilà, parce que les gens sont un petit peu perdus dans compte d'auteur, auteur, éditeur... Alors, dans l'ordre, la maison d'édition à compte d'éditeur va... Je parle de façon générale, après il peut toujours y avoir quelques petites subtilités d'une maison à l'autre. On a une maison d'édition qui ne va demander aucun moyen financier à fournir de la part de l'auteur, qui va tout prendre en charge. Donc l'auteur n'aura rien à débourser. Il aura aussi, s'il a besoin, des livres qu'il ne va pas payer. Et par contre, comme il va céder ses droits d'auteur, il va toucher une petite part sur les droits d'auteur. Il va toucher à peu près 10% en moyenne. Ça peut être moins, ça peut être beaucoup plus. Beaucoup moins maintenant sur les maisons d'édition. Ça dépend. Ça dépend qui on est connu. Si on est sur un premier livre, si c'est un genre qui se vend très bien comme la romance actuellement. Je l'expliquerai. Je le mettrai sur la plage pour les éditeurs et les auditrices. La description entre chaque palier. L'éditeur, l'auto-éditeur, la maison d'édition et tout ça, je remettrai un petit peu le checklist de tout ça pour l'expliquer, parce que j'ai encore plein de questions. D'accord. Et il va falloir passer bientôt un morceau. Et je vais aller jouer du côté de Billy the Kid et Pat Garrett. Et après, on fera les différentes maisons. Voilà, tout à fait. Knock, knock, knocking on heaven's door. put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Voilà, on a écouté un petit peu un passage qui était dédié à mon ami Gérard, et c'était la musique du film Billy the Kid, Pat Garrett. Et on va reprendre donc à 15h36 sur Arc-en-Ciel 96.2 du côté d'Orléans. La dernière ligne droite, ou l'avant-dernière ligne droite avant le final, on s'accordera encore une petite dizaine de minutes pour parler un petit peu de l'émission, de l'édition, et après je passerai sur le côté plus régional, le côté que vous connaissez tous, puisqu'on s'y rejoint de temps en temps, soit sur la page Facebook ou soit dans des lieux, dans des communes qui nous accueillent pour pouvoir vendre et nous faire connaître et vendre nos livres. Donc juste pour terminer un petit peu, Claire, en quelques mots, l'émission, voilà, j'envoie les micros et tu es parti. Donc on avait parlé de la maison d'édition à compte d'éditeur. Moi je sais que, pour juste terminer, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, notamment sur Instagram, une petite vidéo de l'auteur qui s'appelle Julien M, qui décortiquait en moyenne, parce qu'il travaille aussi dans le monde de l'édition à côté de ça, donc il maîtrise le sujet, qui disait qu'en moyenne, ce qui revient à l'auteur une fois que le livre est vendu, toutes catégories confondues, on tourne autour de 1,40€. D'accord. C'est une moyenne. Alors, il y en a qui touchent beaucoup moins, il y en a qui touchent un peu plus, mais la moyenne, elle est à peu près là. Ça, c'est une chose. Donc, l'auteur, quand il cède ses droits, il va pas toucher grand chose. Par contre, il n'avance rien ou quasiment rien. La maison d'édition, qui a un compte participatif, c'est une maison d'édition qui, elle, va demander soit une participation, à part égale avec elle-même à l'auteur. Donc, chacun prend à moitié les frais. Ou alors, on part sur, comme certaines maisons d'édition que je connais, on part sur des campagnes type campagne Ulule, où les gens, on leur demande de pré-réserver des livres, de les précommander. Voilà. Donc, à partir de là, l'éditeur, quand le montant est atteint, il va pouvoir lancer la production. Globalement, c'est ça. L'auteur, après, le revenu de l'auteur sera pas tellement plus élevé qu'en maison d'édition à compte d'éditeur, mais enfin, au moins, on sait qu'on peut lancer le livre sous ces conditions-là. Et l'avant-dernier format, c'est la maison d'édition à compte d'auteur, où là, c'est l'auteur qui va avancer l'argent pour la correction, la mise en page. Enfin, en gros, quand on dit que c'est payant, c'est pas une image. Par contre, l'auteur garde ses droits d'auteur. Donc, une fois qu'il va les vendre, il va récupérer la totalité ou la quasi-totalité de l'argent de la vente de ses livres. Par contre, il y aura pas de diffusion dans ces maisons d'édition-là, je parle à compte d'auteur, il y aura pas de diffusion dans les librairies au niveau national, sauf si c'est l'auteur qui va ensuite les placer lui-même. Et là, on retombe un peu sur la dernière version, qui est l'auto-édition, l'auteur indépendant qui va tout gérer du début à la fin, qui va se prendre un correcteur si besoin. C'est mon cas, moi, précisément, mais voilà. Voilà, et qui va prendre en charge sa correction ou pas, parce qu'après tout, personne l'oblige. S'il veut que ce soit propre, il va le faire bien. Il peut faire sa couverture ou la faire par un graphiste. De préférence, on évitera si possible l'IA, parce que ça, aujourd'hui, ça se voit encore beaucoup. Ouais, je vais éviter de trop parler de l'IA aujourd'hui, parce qu'il y a, voilà. Y a vraiment un débat. Oui, parlé de ce genre de sujet il y a 2 ans déjà. Ça commençait à arriver sur un live sur Instagram, et c'était la question finale de l'entretien, ce qu'on pensait de l'avènement de l'IA. Et on le voyait déjà arriver énormément sur des couvertures. Il y a une émission qui est prévue, pas spécialement pour le livre, mais entièrement sur l'IA, parce que c'est vrai que c'est au goût du jour. Et de pouvoir en parler, parce que ça peut être très bien, et en même temps ça peut faire très peur à beaucoup de niveaux d'ailleurs. Alors ça, c'est plus pour le côté éditeur, mais quel est, selon toi ou selon vous, le rôle le plus crucial de l'éditeur aujourd'hui face aux nouvelles plateformes ? Alors je parle bien sûr de toutes les grandes boulangeries du net, de l'auto-édition, on vient un petit peu d'en parler, et du livre numérique. je vais laisser après Christian voilà, répondre, mais pour moi c'est la communication hein, pour l'auteur. Il a pratiquement déjà répondu, c'est cette relation de confiance et voilà le comment. Je vais parler pour mon cas personnel. Ce qui m'a fait venir vers un éditeur. Alors je voulais que ce soit comment assez professionnel comme comme édition pour mon roman. C'est quelle maison Nombre 7. D'accord. Nombre 7, qui est une maison à compte d'auteur. Voilà. Et ce qui m'a fait pencher pour eux, c'est le relationnel qu'ils ont engagé tout de suite en privilégiant l'appel plutôt que l'échange de mails, enfin des tas de choses comme ça. Dont j'ai trouvé que l'attention était intéressante et que cette relation de confiance elle était de mise dès le départ. Ce qui m'a fait pencher vers cet éditeur. Après pour le reste à part la confiance et le relationnel qu'on peut avoir c'est ça qui va faire une différence par rapport à un éditeur ou un autre hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Pour revenir sur cette histoire de livres numériques, de mise en fichier, on va bien sûr avoir des grandes boutiques qui sont spécialisées là-dessus. On sait très bien qu'ils ont en plus leur format tout à fait particulier. Parce qu'ils vendent de tout. Ils vendent le livre, ils vendent le format, ils vendent l'appareil pour... Voilà. C'est ça. Si tu parles, on peut le dire. Hein. Enfin, parlons d'Amazon avec les formats, mais il n'y a pas que. Le retour est beaucoup plus intéressant d'une manière pécuniaire pour un auteur. On a un suivi qui est beaucoup plus facile pour l'auteur parce que comme tout est informatisé, on sait le nombre dans ton contrat que tu peux avoir, tu sais le nombre de téléchargements. D'accord ? Et la rémunération va arriver selon... d'une manière, la réédition des comptes, elle se fait traditionnellement dans les maisons d'édition classiques deux fois par an, voire une fois par an. Une fois. Ça dépend des contrats avec, oui. Avec les auteurs. Et puis, alors que sur le numérique, on peut avoir un retour quasi immédiat. C'est tous les 6 par trimestre. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui touchent tous les mois, quand ils vendent beaucoup, ils touchent tous les mois. Alors si vous aviez 1,40€ en gros sur un bouquin, comme tu le disais tout à l'heure, Claire, sur le numérique, on va tripler. Oui, c'est 70% en moyenne. Ouais, donc on va tripler du prix de vente. Mais comme le prix de vente est bien inférieur à celui du livre papier. C'est un équilibre qui est à voir. Après, tout est dans la communication. C'est-à-dire que on n'a pas parlé d'un secteur qui est extrêmement important dans l'édition et dans le livre, c'est la diffusion. La diffusion. Aujourd'hui, quand vous achetez un livre en librairie qui va être vendu 20€, sachez que la marge prise à la fois par la diffusion et par le vendeur est au plus bas, en gros à 57%, au plus haut, on est entre 60 et 67%. Là, tu parles en cumulé ? Cumulé. Oui, on est d'accord. Parce qu'une maison, la maison d'édition, c'est toujours 30%. D'accord. De vente, ouais, Le prix que nous prennent certaines grandes surfaces quand on va. Non, mais ils prennent 30% ou 25%. Ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles. J'ai même vu 5%. 5% aussi, oui. Ça dépend. Et sous la même étiquette, hein, suivant le directeur. Vas-y, si vous voulez dire, Nabila. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que le pourcentage varie en fonction de la librairie, du lieu où on fait une séance de dédicace. Voilà. Après, il y a des librairies que je ne nommerai pas, qui sont sur Orléans, qui sont des grosses structures, et qu'on m'a dit, vous venez dédicacer, oui, ok, combien vous nous rapportez ? J'ai rapporté de quoi ? En nombre de clients potentiels pour votre livre, mais dans notre magasin. Je leur ai dit, surtout que ça faisait 3 fois que j'y allais pour avoir des rendez-vous, parce qu'aujourd'hui, je peux pas vous recevoir. Demain, passer demain, mais je suis pas là. Enfin bref. Et j'ai dit, excusez-moi, mais je m'appelle pas Pierre, Paul ou Jacques avec une étiquette comme ça. Ça va être, vous nous intéressez pas. Merci, au revoir. C'est ça qui est dommage. Et ça, c'est dommage parce que c'est préjudiciable pour le petit auteur. Enfin, le petit auteur, c'est pas péjoratif, mais pour le local. Oui. On préfère vendre des grosses Ferrari. Ça, on n'a pas le temps ici, mais c'est normal Pourquoi ? Parce que... Ça reste un commerce. Ça reste un commerce et surtout, ces librairies sont affiliées à des distributeurs et affiliées avec... Ils ont fait de l'intégration. Des grands éditeurs ont monté leur propre boîte de diffusion et après, ils ont racheté des grandes librairies qui avaient pignon sur rue dans les grandes... ou dans les grosses agglomérations. Les grosses agglomérations. Ce qui fait qu'ils ont fait de l'intégration verticale. La priorité, c'est de vendre leurs auteurs. Mmh. D'accord. Oui, mais c'est dommage pour les... nouveaux auteurs, justement, puisque... Voilà, ils c'est dans son région qu'on veut se faire connaître. C'est mais pour ça qu'on a monté... Ça ne me dérange pas, parce que comme le livre que je viens de sortir... On trouve quelques niches, quand même. Oui, mais... Il faut chercher, mais on trouve quelques endroits qui nous prennent sans... Ah oui, non, quand mais on sort par la porte, il faut revenir par la fenêtre. Je parlais des grosses cylindrées sur la région. Moi, enfin, ça ne me dérange pas, parce que comme je sais que mon prochain livre, enfin, celui qui vient de sortir, ça va être un best-seller, ça sera eux qui sont demandeurs après. Mal qu'on te souhaite. Bachelor pour moi. Après, on verra. De vous tous, si vous deviez donner un conseil à un jeune qui rêve de travailler dans l'édition ou dans écrire un livre, jeune ou moins jeune, quel est le conseil que vous ferez ? Ça sera l'une de mes dernières questions dans le côté général. Après, on va se... Ouais, il est 15h46 sur Arc-en-Ciel à Orléans. Il est même horaire un petit peu partout en France, d'ailleurs. On n'est pas aux États-Unis, il n'y a pas des fuseaux. Pas aux États-Unis, non, mais en France métropolitaine. Hein. Voilà, le soleil est pas au zénith, mais pas loin. D'ailleurs, je sais même pas si on est au mois de décembre. La question était, si vous deviez donner un conseil à un jeune ou une personne qui rêve de travailler dans l'édition ou dans l'écriture et devenir un best-seller. Il y a en fait pas grand chose à dire parce qu'en fait, je pense que comme on est à peu près tous au même niveau sur l'envie d'écrire, l'envie de partager ce qu'on écrit, c'est soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de conseils à donner, si ce n'est d'avoir cette envie d'oser, de propager son écriture, pas d'être sûr, mais d'avoir envie que ce soit partagé. Cette notion-là de partage, de dire j'écris quelque chose, ça peut pas rester que pour moi. Il faut que je le partage. Nabila, pour que... tu rejoins le... Je rejoins tout à fait. Je te vois faire les signes de tête. Oui. Tu n'as pas trop pris la parole. Pourtant, c'est la plus ancienne d'entre nous, mais voilà, elle est timide. Petit coquin. Je fais ma timide. Non, en fait, c'est surtout oser sortir de sa zone de confort pour écrire, pour transmettre, pour diffuser et puis pour faire du bien. D'accord. Parce que l'écriture est un exutoire. Ben, vous savez que... En général, avoir un livre avec des pages blanches, ça, c'est pas trop vendeur. Alors pour ça, je dédie un certain morceau. C'est juste pour faire une parenthèse, un petit morceau à mon ami Eric. Ah non, pas celle-là. C'est gris. ce bled de la page blanche. Je veux bien avoir un film de l'enfant qui se met et touches sur le clavier. C'est noir, c'est noir. Ouais. Vas-y, mais fais-toi plaisir, allez, 30 secondes. Il a une autre vocation, Eric. Non seulement il fait de la cuisine, il écrit, mais il chante. Et j'ai eu l'occasion de l'écouter sur scène et il se fait aussi très plaisir avec ça. On arrive dans les 10 dernières minutes, 9 dernières minutes de notre émission. On va clore un petit peu le côté questions-réponses de tout ça. Et on va parler un petit peu plus de notre paroisse et de notre région avec une association que j'apprécie grandement pour tout ce qu'elle fait, ce qu'elle permet de faire avec le livre et les auditeurs. Je crois que le mieux pour en parler, c'est Christian. Je crois qu'il en est fondateur. Hein, association. Voilà, il fait plein de choses. Et c'est un truc qui est plein de vitalité. Donc, est-ce que tu veux bien nous présenter ton ouais, t'as dit la moitié du nom de l'association. Voilà, de l'association. Voilà, c'est pour ça. Est-ce que tu veux bien nous donner toute la vitalité rurale que tu mets dans moi, ton projet. Moi, c'est y est, t'as tout dit. J'ai plus loin. Voilà. Non, tout d'abord, merci Didier. C'est vrai qu'il y a maintenant 5 ans. Nous avons monté cette association avec Daniel Garparfait, une association qui s'appelle Vitalité Rurale, qui a pour but essentiel d'apporter la culture en ruralité. Ça pourrait faire l'objet d'une émission spécifique. Ça va faire 5 ans. Donc, qu'on a monté cette association, et on a fait en particulier des salons du livre. Cette année, nous venons de finir le dernier salon du livre à Vannes-sur-Cosson dimanche dernier. C'était le 62e rendez-vous culturel que nous avons organisé dans l'année, puisqu'en même temps, nous organisons des concerts un petit peu, on s'occupe de pièces de théâtre, on s'occupe aussi d'expositions. Parce que la culture est pour nous un maillon extrêmement fort et pas un maillon faible. Dans les faits, peut-être un peu en ruralité, mais ça doit être un maillon fort de cohésion et de vie. Et puis en même temps, après avoir fait au sortir du Covid les premiers salons du livre, on s'est rendu compte que très rapidement, on est devenu, au fil des salons, j'allais dire, le circuit court, un marché de producteurs littéraires avec des clients lecteurs, puisque là ils viennent, les lecteurs viennent, ils rencontrent les auteurs leur présentent leurs livres comme on l'a fait un peu aujourd'hui, et puis ils achètent ou ils achètent pas, bien évidemment, mais c'est un lieu d'échange, un lieu de partage, et surtout ça permet à bon nombre d'auteurs de pouvoir avoir une vitrine alors que ils n'en auraient pas du tout, ils resteraient à avoir vendu leurs 40 bouquins à leurs amis ou leur famille. Voilà. Donc voilà. Tu vois, j'ai pas entendu parce que bon, j'ai pas tout écouté parce que même si mon micro est éteint, je vous entends par les moniteurs et je cale en même temps et je demande des renseignements à mon parrain derrière, donc Albino, je vous remercie encore une fois d'être présent. Je crois qu'il y prend goût, mais je crois qu'on s'est mis d'accord d'ailleurs, un jour on va échanger nos micros. On va faire une petite émission massacre entre parenthèses pour échanger nos micros. Donc oui, avec Vitalité Rurale, ça permet aux gens un petit peu de connaître et aux auteurs de se faire connaître. Et puis aussi de se connaître entre eux. Je veux dire, si aujourd'hui nous sommes réunis autour de cette table, c'est parce que nous sommes tous les quatre des artisans de Vitalité Rurale. Aujourd'hui, c'est à peu près 200-250 auteurs différents qui passent dans nos salons. Nous sommes en pause hivernale et estivale, non, pas du tout, mais on va recommencer le premier salon le 18 janvier à Lailly-en-Val. Donc le 18 janvier à Lailly-en-Val, au château de Lailly-en-Val, et puis après on enchaînera le 25 à Châteauneuf-sur-Loire. Ah bah tu m'enverras un petit... Permets-moi de dire que les gens prennent leur étiquette et puis mettent. Hein. Donc, janvier, il y en a deux. Et puis, début février, nous serons, le premier week-end de février, nous serons en banlieue nord-orléanaise, puisqu'on sera à Ormes. Voilà. D'accord. Et puis, le programme est déjà fixé pour tout le premier semestre de l'année 2026. Mais on fera moins de salons, on va évoluer. On a des thématiques, on a plein de programmes. On est en train de travailler avec Daniel Garparfait sur une évolution de nos salons, mais il n'est pas facile, par exemple, d'organiser en même temps des conférences, des interviews et autres, parce que l'un peut gêner l'autre ou l'autre est jaloux. C'est difficile, le management des égos. Ah oui, oui. Ah, bah, c'est un petit peu comme dans tous les... Il nous reste comme 5 dans minutes. Tous les domaines. Absolument. Il nous reste 5 minutes. Je vais juste rebondir sur une question, enfin sur une question qu'on vient de me poser. On avait à peine effleuré, et là on vient me redemander, vous n'avez pas parlé dans votre émission de l'ISBN, à quoi il sert ? Alors, l'ISBN, je me permets de répondre, hein, donc c'est un code qui permet de rentrer, alors déjà il a deux choses, il permet une identification lorsque vous achetez vos ISBN, l'éditeur achète, c'est fini la gratuité, hein. On achète aujourd'hui les numéros ISBN qu'on transforme en code barre qu'on va mettre sur nos couvertures. Ça permet donc une identification de l'ouvrage, savoir qui, que, quoi, donc où, son prix également, qui est indiqué lorsqu'on remplit les fiches ISBN, parce qu'on envoie à la Bibliothèque nationale l'ouvrage avec le numéro, et puis surtout... La BNF, t'as dit Bibliothèque nationale de France. De France, oui. Mmh. Et surtout, ça permet d'avoir une TVA à 5% au niveau de la fabrication. Mmh. À 5,5%. C'est un produit culturel. En produit culturel, donc il y a, quand vous avez un numéro ISBN et que vous faites fabriquer chez un imprimeur, l'imprimeur ne doit pas vous mettre une taxe, une TVA à 20, mais une taxe à 5,5%. Donc ce numéro, il identifie individuellement le livre, un peu comme nous tous avec nos numéros de sécu, voilà, d'une certaine façon. C'est... Sauf qu'on ne l'a pas tatoué sur la fesse, nous. Je remercie le sensolier. Pardon. C'est une vieille blague. Donc non, mais très, très sérieusement, le numéro ISBN donne, il y a un code pour l'éditeur, un code pour le livre, etc. Oui, c'est pour ça qu'il est aussi long. Voilà. Oui, tout à fait. 13. Chiffres. 13 chiffres. Oui. Bah, comme le numéro de sécu, hein, ça correspond à différentes choses aussi, le découpage. Hein. Donne-moi ton numéro de sécu. Mais je connais ton âge et l'endroit. Et toi, tu devrais le savoir. Je toi. Sais. Il plus. Commence par 2. Oui, tu es devin. Tu peux avoir une bonne boutique en plus de l'alimentaire. Quant à Eric, lui ont mis un code sécu qui. On ne sait pas par quoi ça commence. Voilà, eh ben c'est parfait. Voilà, on a eu la réponse. Il me reste 2 minutes, 2 à 3 minutes. Et j'ai quelques annonces à faire. Donc déjà, j'en profite pour remercier Claire de sa présence et de ses gestes. En même temps, Christian pour toutes ses explications. Nabila, qui a pas été trop bavarde, mais je crois qu'elle a apprécié. Oui, tu lèves le doigt. Tu veux dire quelque chose ? Je lève le doigt. Je voudrais juste dire quelque chose de très important. Vas-y. Qui me tient à cœur parce que je suis aujourd'hui l'ambassadrice de la Banque Française des Yeux, qui est une association à but non lucratif, donc une association de la loi 1901, qui œuvre pour favoriser, soutenir, informer tout ce qui concerne les prélèvements de cornets pour faire des dons. Et pour moi, c'est très important puisque j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de dons de cornets. Donc je voulais soutenir cette association, mais sensibiliser les gens sur ce besoin de pouvoir faire des dons d'organes, de tissus. Elle s'appelle comment, tu peux redire ? C'est la Banque Française des Yeux, qui Banque se trouve à Paris. Et il est 15h59, je vais avoir le cut bip de la part de nos amis du Portugal, que je salue. Donc j'en profite pour remercier nos invités. Et puis un petit scoop, c'est que prochainement, j'aurai, à partir de Noël, je reprendrai, mais ça sera 3 heures d'émission sur les fréquences d'arc-en-ciel, avec un nouveau format, toujours en recevant des auditeurs, enfin des invités pour nos auditeurs, et il y aura un petit peu plus de musique. Voilà. Eh bien, écoutez, sur tous, je vous remercie et je vous quitte avec un dernier titre dédié à Monsieur Eric. Et on vous remercie de nous avoir reçus. Merci. Merci. Merci. Merci.